Cependant que le ciel sèche les embruns nostalgiques qui me burinent la peau, les lèvres craquelantes de sueur humide et moites au goût de sel, je repense à cette vieille malle en bois, senteur de cuir perdue dans le poumon d'un grenier. L'odeur d'un vieux livre, page jaunie au cœur lourd ouvert par son milieu. La fumée enivrante, âpre et brûlante d'une gitane indomptée qui pique les yeux en bienheureuse nausée. Cette ferme isolée au jour le jour où s'aggrave l'agréable. Cependant que les secondes s'égrènent une à une et que dans mes longs cils de charbon je vois danser le visage de Rimbaud, je pense à l'instant de s'ancrer dans le temps. Songe à cette poussière qui nous court sous la peau, à cette vie aux yeux sombres, à l'élan qui nous pousse et qui ne devrait jamais se briser sinon pour tomber. Alors coule le soleil vert sur les vagues au-dessus de ma tête, un dernier mot montant dans les bulles.